J'espère que vous avez enfilé votre plus belle cape, que vous avez sorti vos griffes en adamantium et aiguisé tous vos batarangs, puisque c'est l'heure pour James et son équipe de vous faire découvrir le monde merveilleux du comics dans Comics Discovery. Nous sommes le lundi 27 mars, il est 18h, vous êtes sur Radio Campus Montpellier et c'est Comics Discovery, l'émission qui ne vous fait pas découvrir le monde du comics puisque nous n'avons pas parlé de comics. Et oui, nous ne faisons pas une émission spéciale sur à quel point le trailer de Justice League est vraiment le truc le plus beau qu'on ait jamais vu et à quel point on attend Warner. Ce sera la semaine prochaine, non, on va parler Spider-Man la semaine prochaine, mais on parlera peut-être un peu du trailer de Justice League qui est vraiment génial. Je tiens à le dire. Et cette semaine, on va vous parler de séries télé. Et comme on avait envie de lier un peu toutes les émissions de Radio Campus dans une seule et belle émission, on a demandé à Vincent de la matinale de Radio Campus, qui parle de séries télé tous les mardis. Salut Vincent. Salut James. Et ben, oui, il vient nous parler de séries télé, ça oui. va ouais, très bien toi. Ça va, ça va. Merci et de autour invité, de en fait. De quoi? Merci de m'avoir invité en fait. Mais avec grand plaisir. On est un peu en équipe restreinte, tout le monde nous a laissé tomber. Il y a Faye, bien sûr, on va parler de série télé, donc forcément il y a Faye. Oui, bonjour James, bonjour tout le monde. C'est vrai que moi je suis la mémoire vivante de la télé dans cette émission. Je pense que c'est moi qui en ai vu le plus. Tu veux dire que c'est toi la plus vieille, c'est ça? Oui, bah, je pense que cette fois-ci c'est moi la plus vieille. Voilà. On fait un coucou à Romain, Mathieu et Thomas qui ne sont pas là, et on dit bonjour à Juni qui est là. Allô. Avec son fameux halo qui revient. Il a dit qu'il ne le referait pas, mais il le refait quand même. C'est pas grave. Et je sais plus. Oui, c'est Faye. Troublée, oui, je suis troublé. C'est Faye qui a géré le plan de l'émission, parce que c'est un peu la spécialiste de l'écran, de tout ce qui est écran, donc film, série télé. Donc c'est elle qui gère un peu le débat. Et tu vas nous expliquer qu'est-ce qu'on va faire, Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Eh bien, vous savez, récemment, il y a une série qui est sortie sur Netflix qui s'appelle Iron Fist. Eh bien, ça nous a donné une idée en la voyant. On s'est dit, mais comment sont traités les comics en série et la télévision? Exactement. Eh bien, il y a une vaste question. Avec cette intonation, vous avez vu ça un peu? Oui, je prends tout juste un. Alors bon, c'est vrai que quand on voit à la télé le fan de comics, on le voit souvent comme une espèce d'handicapé mental un peu débile, genre la série pseudo-geek Big Bang Theory, voyez-vous. Ouais, ne parlons pas de cette série. Voilà, ou encore, enfin bref, souvent présenté de façon assez idiotesque. Mais les séries comics sont-elles aussi idiotes que cette représentation qu'on se fait du lecteur de comics? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de voir. Alors déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, faisons une petite un petit plantage de décor au niveau historique, un peu pour voir un retour en arrière. Voilà, un peu pour voir un éventail de tout ce que nous allons discuter. Donc, eh bien, les séries télé de comics, c'est comme le cinéma, c'est-à-dire c'est là depuis l'invention de la télévision. Donc ça avait commencé par des serials, comme on appelle, donc, qui étaient diffusés au cinéma, des petits épisodes, vous savez, des petites histoires courtes qui se terminaient sous un coup de théâtre pour qu'on revienne la semaine d'après et compagnie. Et à la télévision, bah, un peu le même principe, ça a commencé en 1944 avec une série Captain America, qui était, je vous laisse le deviner, une série très pro-américain, bien sûr. Avec Captain America, ça voilà, et très kitsch. On avait bien sûr Superman, avec l'acteur qui s'appelait, il me semble, c'est pas George Reeves son prénom, qui, pour l'anecdote, a été incarné au cinéma par Ben Affleck. Je dis ça comme ça. C'est pas lui qui s'est fait tuer par la mafia? Alors, officiellement, il s'est suicidé, mais officieusement, on pense que la mafia l'a un peu aidé. Et c'était un peu alcoolique aussi, je crois. Oui, enfin bon, je vous conseille d'accord. de voir le film. Je vous retrouverai le nom, je le mettrai dans l'article. Bon, bref, après, on a eu le cultissime Batman dans les années 60, qui était assez kitsch. On a eu du Fantastic Four, excusez-moi. Du Shazam, magnifique. On a eu dans les années 70, plus particulièrement 76, la série Wonder Woman, qui était repassée dans les années 80 et qui a un gros souvenir d'enfance pour moi. Dans la cour de récré, vous me cherchez, je faisais soit Bioman, soit je tournais en rond pour faire Wonder Woman. J'ai jamais vu d'épisode de cette magnifique. Série, je crois. Ah, c'est magnifique, on en parlera. Dans les années 80, il y avait bien sûr la cultissime Hulk, qui était dramatique. Le pauvre Hulk, il aidait des gens comme ça. Enfin bref, on en parlera un peu mieux, mais c'est quand même une imagerie très célèbre de la pop culture. Ouais. Dans les années 90, on a eu pas mal de choses. On a eu du Flash, du Lois et Clark, du Mutant. Dans le Mutant X, c'était plutôt du 90 plus. On en parlera plus tard, parce que dans les années 90, vous le verrez plus tard, il y avait pas que des adaptations de comics, mais aussi des gens qui s'inspiraient des codes du comics pour nous faire des séries. Donc c'était un éventail plus grand. On avait Sabrina l'apprentie sorcière. Et oui, c'est un comics, le saviez-vous? C'est magnifique, James. Ouais, hein, on en apprend beaucoup dans cette émission. Tout à fait. Après, nous arrivons vers les années 2000 avec Smallville, nos amis, voilà, Bird of Prey, Witchblade, The Crow, enfin, tout un... C'est passé dans l'oubli, tous ces trucs, d'ailleurs. Pardon, ouais, il faut mieux les oublier, je pense. Quelle série? Quelle série? Bird of Prey, Smallville. C'était sympa. Ah, je dis pas le contraire. Non, je dis juste, c'est tombé dans l'oubli, parce que là, par tu m'aurais demandé, j'aurais vraiment pas sorti ça, parce que je l'avais totalement effacé de ma mémoire. Ah ouais, c'est marrant, moi, ça m'a marqué. C'est passé juste sur Série Club. Alors, moi, je l'avais vu sur Série Club, mais sur internet ils disent M6, mais moi je suis sûre que c'était sur Série Club, hein, que je dis. Ah, ok. Bref, après il y avait d'autres séries un peu plus cultesques qui s'inspiraient de comics, comme moi le The Tick, ouais, je pensais, je sais pas j'ai si pas les gens se rappellent. On en parlera plus tard, je vous en parlerai. Bon, après on arrive ainsi de suite à une évolution pour se retrouver avec maintenant les séries CW, Ça va voir les deux Heroes, Heroes et tout ça, on en parlera plus tard, un peu plus dans le débat. Là je fais juste vite fait le grand truc. Oui, vas-y. Donc on arrive maintenant avec les séries CW, Arrow, Flash et compagnie. On a Walking Dead, qu'est-ce qu'on a encore? On a Preacher, enfin, on a plein de. Maintenant on a pas mal d'offres, donc on va en parler un peu plus tard dans une troisième partie. Netflix aussi. Les séries Netflix, dont Iron Fist. Donc vous voyez, il y a eu pas mal de séries depuis le début de l'invention jusqu'à maintenant. Finalement, ça s'est peut-être pas arrêté tant que ça, ces productions. Ouais. Mais valent-elles vraiment le coup? Donc je sais, messieurs, que vous n'êtes pas nés en 44 ni dans les années 80, malheureusement. Comment tu sais? Je le vois à vos rides. Elle a vu mon profil Facebook. Ouais. J'ai tout vu. Bon, bref. Mais quand même, je pense que vous devez connaître ces séries comme Batman, par exemple, Batman, ou Wonder Woman ou Hulk. Et justement, j'ai envie de vous demander quel est le ressenti que vous en avez. Est-ce que vous avez déjà vu un épisode? Qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, ça me tente pas des masses. C'est vrai que la série de Wonder Woman avec Linda Carter, j'en ai pas mal entendu parler. À l'époque où c'est sorti, les femmes étaient plutôt contentes d'avoir une série aussi féministe. Et ça m'a étonné, puisque des extraits que j'en ai vus, ça avait l'air un petit peu nuche quand même. C'est quoi cette nana qui se tourne autour d'elle et qui se transforme en Wonder Woman comme ça? Mais les femmes étaient très contentes. Et je suis qui pour le juger? Je ne l'ai pas vu. En tout cas, il me semble que Linda Carter, je suis pas sûr, il me semble que même Linda Carter en tant que Wonder Woman a fait la couverture du magazine Miss, qui est un magazine très féministe. Mmh. Donc voilà, bon, après je l'ai pas vu, ça me tente pas plus que ça, peut-être je la verrai un jour. Ça a un côté très Drôle de Dame, non? Alors ouais, si je peux en parler, c'est vrai que ça ressemble dans le style à Drôle de Dame, mais au niveau de l'histoire, on a un pitch qui est assez similaire à ce que vous allez pouvoir découvrir au cinéma, donc dans le film Wonder Woman, à savoir que notre amie Wonder Woman quitte son île donc pour aider un jeune officier pendant la Seconde Guerre mondiale qui s'est échoué sur son île. En même temps, c'est le pitch du comics de base. Voilà, elle le ramène donc aux États-Unis. Et puis bon bah elle l'aide un peu, elle fait un travail un peu d'espionne, un peu genre agent Carter quoi, avant agent Carter. Et finalement elle décide de rester pour aider les hommes parce qu'elle sent qu'avec ses pouvoirs elle peut être utile. Donc elle se fait embaucher comme secrétaire pour le major en question et elle écoute. Steve Trevor, normalement. Voilà, et dès qu'elle entend qu'il y a une mission pour Wonder Woman, elle mène sa petite enquête et puis elle aide les gens. Donc c'est vrai que c'est assez classique et en même temps ça proposait un personnage qui était quand même assez fort. Même si elle était très kitsch avec des effets spéciaux, pas tip top. Du coup, ouais, toi, Johnny, tu as... Ça devait être vachement aseptisé, ce genre de truc, non? Ouais. Vu l'époque, en plus, enfin, c'était pas ce show en particulier, ça devait être tous les autres aussi. Mmh. Et après, moi... Comment dire, vu ce que je regardais à la télé à l'époque, je fais partie de ces gamins vachement énervants, vachement chiants, que tu leur mets une série qui date d'il y a 20 ans, et si t'as pas un élément qui ressort vachement, t'as du mal, en particulier si tu vas avoir une comparaison entre la série Hulk, ouais, où le gars ressemblait à un mec qu'on avait mis sous stéroïdes et de la peinture verte sur le dos, comparé au film de Ang Lee qui est sorti à peu près à la même période où j'ai découvert la série en fait. Ouais. Et moi je faisais partie des gamins qui lisaient le journal du Mickey. Du coup dans le journal du Mickey t'avais ton programme télé de la semaine, mmh, et tu disais alors tel jour il y a tel truc. Et moi du coup, pour caricaturer un peu, j'avais le choix entre la série Hulk et le film Hulk, où là pour le coup visuellement déjà c'était quand même autre chose. Et après pour ce qui est Wonder Woman et tout ça, j'ai vu passer des images, mais j'ai eu un peu la même réaction que lui, c'est à dire j'avais vu passer Buffy, que j'ai dû attendre d'avoir quelque chose comme 19 ans pour pouvoir le voir, parce que j'aurais pu le faire avant grâce à internet, mais ça passait pas à Dakar. Et oui, rien qu'aux images, Buffy avait l'air beaucoup plus intéressant que Wonder Woman. Mais ce qui est intéressant justement, tu vois, sur Buffy, c'est que elle découle de Wonder Woman, parce que Joss Whedon justement avait cette image, cette série dans la tête. C'est à dire Buffy c'était un produit de pop culture, que ce soit des séries télé comme Wonder Woman ou des comics en eux-mêmes. Ouais. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Par contre, tu vois, pour revenir sur Hulk, la structure de Hulk... Oui, James. Enfin, pour rebondir, je suis... Oui. T'as pas dû voir Wonder Woman, mais t'aurais dû regarder Batman de 66 ou... Non. Même le film, tu Batman connais pas Batman de 66, j'ai vu juste le film, que je suis même pas sûr d'avoir fini, et j'avais quelque chose comme 17 ans à l'époque, et je l'ai vraiment regardé par curiosité, parce que voilà, il y avait la mystique autour de genre le pire show Batman de l'histoire de l'humanité. Et non, moi, mon Batman, ça a toujours été, quand j'étais gosse, c'était Batman le dessin animé. Et jusqu'à présent, en film, en série, j'ai toujours rien trouvé que j'ai trouvé aussi fouillé et aussi bien mis en scène que ça. Mais en fait, cette série-là, Batman, était très kitsch, donc il y avait un petit budget. C'était vraiment adapté de vieux comics Batman, comme on en parlait. C'est Golden Age, en fait. Ouais, pour les gens qui ne connaissent pas un peu l'historique du comics, vous avez le Golden Age avec des trucs très pop, très avec Batman qui a des costumes bleus, roses, enfin des trucs complètement... Zèbre. C'est très cliché, ouais, quoi. Avec plein de héros. Je vois le prince du condiment ou Zebra Man, Buanabis, des héros très clichés et le comics volait pas très très haut. On parle pas d'homosexualité, on parle pas de drogue, on parle pas de... Enfin, il y a vraiment beaucoup de tension dans cette époque-là. Et puis surtout, ceux qui marquent ces périodes, donc des années 60, 70 et tout ça, c'est que c'était vraiment des divertissements qui étaient faits rapidement avec peu de budget et qui permettent de pouvoir sortir des programmes télévisuels facilement pour combler les comics de cette époque-là, ouais. Voilà, donc c'était aussi parce qu'à l'époque, au télé, il n'y avait pas autant de programmes que maintenant, donc il fallait remplir les cases. Donc c'était un peu ça. Par contre, Hulk se voulait plus sérieux, plus dramatique. En gros, Hulk, moi, ce que je m'en rappelle, c'est que le gars, il arrivait dans une ville, il y avait un problème, il aidait les gens, et puis bon, à un moment donné, il y a Hulk qui apparaissait, ça mettait le bordel, et à la fin, il repartait et il cherchait un moyen de se guérir. Ouais. Donc c'était un peu, pour comparer à une autre série, c'était un peu genre Les Routes du Paradis, mais avec Hulk, quoi. C'est Les Routes du Paradis, ça parle à personne. Si, les routes c'est du le paradis. Truc avec j'avais le rebelle. C'était un gars à moto. Ouais, voilà. Ouais, ou genre vieux. L'agence touriste, mais en plus sérieux, mais avec une personne, tu vois. Ouais, Highlander aussi, il y avait un peu voilà, ce même principe. Highlander. Ouais, un peu moins quand même. Non, mais je veux dire une aventure à chaque fois avec une espèce de fil conducteur où le personnage a sa propre quête, machin. Et pour le coup, Highlander et le rebelle, c'était ma jam quand j'étais petit. Ah, mais c'était bien ça. Mais bon, oui, ne regarde pas le rebelle. Attends, il voulait parler. Peut-être que je me trompe, la série Hulk a été déclinée en long métrage également. Alors en téléfilm en fait, il y en a eu plusieurs, il me semble que c'est dans les années 90 où on avait le procès de l'incroyable Hulk, le retour de l'incroyable Hulk. Ouais. Je crois qu'il y en a trois, ouais. Ouais, ouais, mais ce qui était bien, c'est que l'acteur qui interprétait Bruce Banner était quand même assez touchant. Moi je sais qu'il y a plein de fois, il m'avait fait un peu pleurer, tu vois, il avait l'air triste. C'était super bien. Anxiogène en fait. Ouais, c'était très anxiogène, franchement, tu regardes ça, t'étais un peu triste, t'attendais le moment où il y avait Hulk parce que c'était le moment où tu disais, ah, faut aller, on respire un peu, il y a de l'action, il y a du machin. Et puis, Ferrino, quand même, il était trop marrant avec sa perruque, son truc. sa peinture verte. Moi, quand j'étais petite, quand ça repassait et tout, tu vois, que j'avais découvert Schwarzenegger, au début, je croyais que c'était Schwarzenegger maquillé. Enfin, c'est David. Il se ressemble pas trop, hein. Voilà, mais bon, voilà, c'est vrai que, encore une fois, les comics dans ces années-là, c'était pas super bien traité. C'était traité de façon, voilà, pas très chère, juste pour prouver, enfin, pour donner du divertissement. C'est qui le public de ces séries-là, en fait ? Bah là, en fait, à cette époque-là, par exemple, tu prends une série comme Hulk ou même Wonder Woman, c'est la ménagère, c'est la personne qui est chez elle, c'est pas vraiment le petit enfant, ouais, on va dire. Pas les enfants, ouais. Alors que par exemple, tu prends Batman, tu prends Shazam, tu prends, enfin, tous les Captain trucs America. Bien pourris, machin, c'était plus pour les enfants. Enfin, il y avait des enfants parce que t'avais les pubs où on pouvait les jouer, les trucs comme ça. Mais c'était vraiment pour essayer de meubler, pour que les gens s'intéressent à ce nouveau média, surtout, je pense. Okay. Et vraiment, c'est plus dans les années 90, là on va y arriver parce que je pense que ça vous parlera On aura plus de trucs à raconter. Ou les années 90, là on a l'impression que les séries adaptées de comics sont plus centrées pour les enfants et les ados. Donc je vais tout de suite demander votre avis, parce que moi j'étais ado justement dans cette période-là. Mais vous qui étiez peut-être enfant tout petit, quels souvenirs vous avez Louis et Clark, tout ça là. Ouais, voilà. Qu'est-ce qui vous a marqué? Comment vous voyez ça? Alors, Louis et Clark, je me souviens que je regardais ça quand j'étais petit. Et j'en ai absolument aucun souvenir. Donc le seul truc que je pourrais dire, c'est que je sais que quand j'étais gosse, j'adorais ça. Ouais. Parce qu'il y avait Superman dedans. Et j'ai revu un épisode il y a quelque chose comme 3 ans à la télé par hasard. Et c'est effectivement très kitsch. Et il y avait cette espèce de filtre de couleur sur l'écran. Genre tout est beau, tout est propre. Un truc limite filtre Snapchat, très tu lumineux, vois. Très lumineux en fait. Ouais, voilà. Et après c'est un produit de son temps. Hein, donc bon, je vais pas juger là-dessus. Mais ouais, je me souviens qu'en tout cas, en tant que gosse, j'avais trouvé ça génial. Et je dirais que, étant donné le... Enfin, c'est un super héros, quoi. Je veux dire, s'il arrive à contenter les gosses, il a fait son taf. Ok, et les histoires d'amour et tout, ça te plaisait déjà? Pas du tout. Ben, j'étais le genre de gamin qui accrochait la Barbie de sa mère à un poteau pour la faire sauver par Action Man. Donc en soi, les histoires d'amour, ça me passait un peu au-dessus de la tête, je t'avoue. Futur serial killer déjà. Un petit peu, ouais. Moi, j'étais peut-être un peu plus. À mon QI là. Non, j'étais peut-être un peu plus âgé. Et j'avais commencé à regarder Lewis et Clark au début, quand j'étais un peu plus petit. Je me disais, oh, c'est trop bien et tout. Et vite, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas du tout une série. Enfin, j'étais pas la série ci, la cible du tout de cette série, parce qu'en fait, ça parle beaucoup de romance. C'est beaucoup. En fait, le titre est vraiment. C'est Lois et Clark. C'est pas une série Superman. C'est une série. C'est les nouvelles sur Superman. Ouais, mais c'est plus une série sur la romance entre Lois et Clark que autre chose. Je dirais pas ça, parce qu'il y avait quand même un second degré dans la série, moi, je trouvais. C'est-à-dire que bon, t'avais l'histoire d'amour, c'était. Voilà, comme toute histoire d'amour dans les séries, c'est un peu chiant. Mais t'avais tout un côté parodique, je trouvais, autour. Enfin, qui me faisait plus rire. Je l'ai plus vu quand je l'ai revu en grandissant. Mais c'est vrai que, genre, t'avais des ennemis un peu ridicules. T'avais une façon de jouer qui était qui est drôle. Enfin, c'était peut-être pas fait exprès, j'en sais rien. Mais genre, Superman est toujours en train de sauter en levant sa cape. Là, c'était magnifique. Enfin, t'avais plein d'effets. Dean Kane, il se prend tellement au sérieux que c'est... Enfin... Ouais, mais en tout cas, ça permettait un peu de... Moi, l'aspect parodique ne m'a pas... Enfin, je l'ai pas vu. Tu te vois peut-être plus en souriant, mais il y avait un second truc qui était sympa. Par exemple, je pense à un des grands méchants de la série qui s'appelait Tempus, qui n'hésite pas à se moquer de Lois Lane. C'est-à-dire qu'on nous la présente comme un personnage de femme forte, qui est super journaliste, machin chose et tout. Et il se retrouve à ce personnage qui fait mais t'es trop conne, en fait. T'as toujours pas compris que Clark, c'est Superman. Attends, là, j'ai mes lunettes, là, je les enlève et tout, tu comprends pas. Et le mec, il passe au moins 5-10 minutes à se foutre de sa gueule parce qu'elle a pas compris, elle a pas fait la différence. Et ça, je trouvais ça génial. À chaque fois qu'il y avait ce personnage, il avait toujours un petit comme s'il cassait le mur et qu'il te disait mais attendez, vous êtes con, vous voyez pas que ça marche pas, ça machin. Ouais, et ça marchait vachement bien. Les acteurs, ils étaient, enfin, je sais pas, je trouvais ça drôle. Puis t'avais le patron de Superman, c'était n'importe quoi. Le mec, il était fan d'Elvis. Toutes les 5 minutes, tu disais je veux un café. Ah, mais ça me rappelle quand Elvis, il a pris un café avec machin. Tu lui racontais n'importe quoi, c'était génial. Son journal, ça aurait dû s'appeler Elvisland. Mais après, c'est vrai que c'était pas super sérieux dans le traitement de Superman. C'était Superman, le gars parfait. Oui, voilà. Il était présenté comme l'homme parfait. Non, moi, j'ai pas grand chose à dire sur Lois et Clark, puisque j'étais en maternelle à l'époque où. Putain, vous êtes tous super jeunes. Voilà. Mais j'aimais bien, jusqu'à un épisode qui m'avait un petit peu traumatisé, où c'était Superman qui se disputait avec Lois et il se servait de sa vision à rayon thermique, c'est comme ça qu'on l'appelle, rayon laser, quoi, pour cramer son appart. Ah bon? Ouais, il faisait exploser sa lampe. Enfin, je sais pas, il y avait une petite dispute de couple. Ah oui! Non, c'était quoi, c'est pas quand ils étaient mariés qu'il y avait une espèce de kryptonite qu'il avait déréglé et il arrivait plus en fait à contrôler ses pouvoirs et donc à un moment il s'engueule avec elle, il lui fait mal sans faire exprès et puis il avait sa vision qui il lui fait mal sans faire exprès. Ce qui était intéressant, c'est que l'épisode sous le couvert de ça traitait les violences conjugales et c'était pas mal fait, tu vois. Il y avait des bonnes choses dans Lois et Clark, mais c'est parti un peu. Non, mais parce que revoyez-le maintenant, vous allez voir, il y a vachement plus d'humour et il y a des petits trucs dessous. Et il y a une autre série qui était pas mal à la même époque, c'était la première version de Flash, pas celle de maintenant. Je sais pas si vous l'avez déjà vue. Non. Bah, j'ai regardé avec toi, moi. Je sais qu'elle existe. J'ai vu le costume, ça m'a suffi. Il faut passer autre, parce qu'il y avait vraiment de bonnes histoires. Puis il y avait Mark Hamill. Donc voilà. Puis c'est pareil, il y avait un traitement qui était assez sympathique. Moi, ça m'a fait découvrir le personnage. Et c'est comme ça que j'ai eu envie de m'intéresser aux comics. Donc c'était un changement par rapport aux vieilles séries, par exemple des années 80 et tout. Parce que même si j'avais bien aimé Wonder Woman ou que j'avais bien aimé Hulk, le comic, ça m'avait pas attiré. Tu me disais que ça avait un côté vraiment inspiré du Batman de Burton, avec un côté beaucoup plus sombre, avec une c'est Central City ou c'est Central City. En fait, c'est vrai que le showrunner de la série voulait s'inspirer du Batman de Tim Burton. Malheureusement, ils n'avaient pas le même budget. Donc forcément, ça pêchait un peu au niveau des méchants. Mais c'est vrai qu'on avait une histoire qui était quand même un peu mieux écrite. On avait un personnage de super-héros qui avait des faiblesses, c'est-à-dire s'il se servait trop de son pouvoir, il avait super faim, il fallait vite qu'il mange, il pouvait tomber dans le coma, des choses comme ça. Et ça changeait un peu de ce qu'on avait. C'est des trucs qui ne sont pas revenus dans la nouvelle série, alors que c'est dans le comics le côté qu'il ait besoin de manger pour pouvoir. Parce qu'il il élimine trop Il le mentionne à un moment dans la première saison, je reviens à l'un des premiers épisodes, justement pour faire un gag. Il mange des trucs. Il n'y a pas Cisco qui lui fait des barres Alors ça, je ne saurais pas dire, mais je me souviens qu'effectivement, il y avait vraiment un moment. Peut-être que c'est ça, mais il y a vraiment un moment où ils font un gag dessus. Mais c'est des séries, ils ne vont pas revenir dessus parce qu'une fois que tu as fait la blague, tu passes à autre chose en fait. Et du coup, ça n'a jamais été réutilisé. Mm-hmm. Yeah. Il y avait un gag sur un alcool qu'a préparé Cisco pour que Flash puisse être bourré pendant un dixième de seconde. Oui, je me rappelle de ça. Enfin, bon, mais du coup, c'était une vraie faiblesse dans la série. Dans les comics, c'est une vraie faiblesse de Flash qui n'est pas du tout réutilisée. Mais vraiment, je vous conseille, cette série, elle a duré quoi ? Une saison ? Ouais, il me semble. Mais je vous conseille, c'était vraiment pas mal. C'est kitsch aussi, c'est vraiment kitsch. C'est kitsch, mais je trouve qu'avec Lois et Clark, c'est ce qui se faisait le mieux dans les années 90, parce qu'après, on avait droit à des adaptations qui étaient vraiment très très bas budget, avec un scénario pas super travaillé. Voilà, on se retrouvait avec des Witchblade et des Birds of Prey qui étaient vraiment ridicules, ou même The Crow qui avait pas beaucoup de budget, avec Marc Dacascos d'ailleurs. Non, The Crow c'était cool. Bof, en fait c'était le même principe que Hulk, mais après j'aime beaucoup le personnage de The Crow. Pour moi les aussi, gens qui connaissent pas, c'est un mec qui s'est fait tuer alors que sa meuf vient de se faire violer et tuer, et qui tellement il a d'envie de vengeance, il y a un corbeau qui le fait revivre. Normal, comme dans la vie de tous les jours. Donc il y a un super film avec Brandon Lee qui est, moi je vous conseille, vraiment très très cool. Très très bon, ouais. Et il a une série qui est bon avec Marc Dacascos. Ouais, Marc Dacascos. Qui a joué dans Crane Freeman, si vous savez pas. Et dans Le Pacte des Loups. Voilà. Voilà. Ah, mais la série, j'ai peu de souvenirs, mais je me souvenais qu'elle était. Ouais, ça s'est regardé, mais c'était vraiment truc à petit budget. Je veux dire, genre tu prends Witchblade par exemple, le truc par moment, tu as l'impression que c'était en caoutchouc, son espèce d'épée. Quoi. Alors pour l'émission, je me suis dit, bon, je vais. elle me parlait de Witchblade et de Bird of Prey, je me dis mais putain, je suis passé à côté de ces trucs, je les ai jamais vus, faut que je regarde au moins un épisode. Donc Witchblade, j'ai tenu 10 minutes, non même pas. c'est vraiment très très moche. Witchblade, c'est une meuf qui a un gantelet qui se transforme en armure et qui se bat contre des c'est des démons, c'est de Michael Turner, je crois. C'est vraiment très bien. Alors le comics, du coup, je suis allée lire quand la série s'est finie, parce que je voulais en avoir point, et franchement c'est pas mal. Moi, je conseille. Ouais, c'est les trucs de Topco avec il y a Witchblade, il y a Phasm aussi dans le même délire. C'est vachement années 90 avec des meufs avec des gros seins qui se battent contre des mecs avec des gros pectoraux. Je veux dire avec des grosses bites. Non. Ça, j'ai eu peur. Bird of Prey, j'ai tenu. Alors juste j'explique, Bird of Prey, en fait c'est l'alliance entre Oracle, donc qui est l'ancienne Batgirl. Alors dans la série, il y a la fille de Batman et Catwoman, donc Elena Kyle me semble-t-il, qui joue Huntress. Voilà, il y a comment Dina s'appelle Laurel. Oui, voilà. Et donc il est censé être Black Canary, mais là qui a des visions, elle n'a pas de pouvoir. Et de Black Canary. Il y a aussi notre amie Harley Quinn. Ouais, mais qui est pas Harley Quinn, qui est une méchante random. Oui, mais qui est très nulle. Hein. Et alors remarquez un casting de personnages principaux entièrement féminins. Ouais. Mais ça, Charmed, c'était pas mal. Aussi. De quoi ? Pardon. Il y avait Charmed. C'était les années 90 ou les années 2000, Charmed ? Alors Charmed, ça a commencé en 80. Attends, en 99, me semble-t-il. C'est un peu plus vieux que 98, Charmed. 98-99. Enfin, à l'image, ça faisait un peu plus vieux que Charmed. Bah, c'était un petit peu avant, je pense, à peu près, quoi. Ouais. Et Charmed, c'est très mauvais. Enfin, le pilote est très très mauvais. C'est les histoires qui suivaient pas. Je pense qu'il y avait du potentiel avec le concept mais de même base. Mais même les costumes sont moches. Enfin. Mais c'est ça. Encore une fois, finalement, on se retrouve avec des séries kitsch. Avec bas budget. Il y a Mark Hamill dedans, par contre. Mais Mark Hamill, il est partout. Qui fait la voix du Joker, parce qu'on voit le Joker. Mark Hamill, il est partout, de toute façon. Après, comme je vous disais, on avait aussi Sabrina l'apprentie sorcière, qui est comics. Non, on va pas parler de Sabrina. Qui était une série, là, clairement pour les jeunes filles, où on avait donc Sabrina qui avec ses tantes et qui faisait de la magie. Le comics, c'est à la base, c'est pour les meufs. Voilà. Enfin. C'est dans l'univers d'Archie Comics, du coup, donc j'ai appris ça. Mmh. Donc, qui était pas terrible. Et du coup, au niveau adaptation, ensuite, ben, moi, je pense à Smallville. Dans les années 90, depuis 2000, on va dire. Et je pense que ça va vous parler. C'est pour ça que je vais vous lancer dessus avant qu'on passe à une autre partie. Alors, que pensiez-vous de Smallville ? Vincent, t'avais un petit avis sur Bird of Prey ou sur Witchblade ? Witchblade, j'ai pas vu, j'ai juste vu une bande-annonce. Ça m'a pas donné envie, mais alors pas du tout. Moi, je vous dirais, faites-vous un épisode juste pour voir. Non. Mais peut-être, puisque Birds of Prey, au début, je l'ai regardé pour la culture télévisuelle, comme ça, et je me suis forcé à me bouffer pratiquement tous les épisodes. Et au bout d'un moment, je suis rentré dans le truc et j'ai trouvé ça vraiment sympa. À suivre. Je crois qu'il y en a 12, non ? Il y en a 12 ou 13. Ouais. Mais je sais pas s'ils ont tout diffusé, les épisodes qu'ils avaient tournés, je crois. Je sais pas. En tout cas, moi je regarderai pas la suite, hein. Ça fait vraiment trop mal aux yeux. Et Birds of Prey, c'est après Charmed. Hein. Charmed. C'est au début des années 2000, 2002, je crois. 2002 Ah oui, il me semblait que c'était plus vieux que ça, tu vois. En tout cas, ça fait plus vieux. Bon, bref, en tout cas, après, dans les adaptations, la grosse à retenir qui était quand même très populaire, c'était ouais. donc Smallville, qui racontait la jeunesse de Superman, donc une série produite par Warner, très centré c'était sur les problèmes de cœur. Alors, c'était la Warner à ce moment-là, parce que ça n'avait pas encore fusionné avec la CW. Avec CBS. Avec CBS, excuse-moi. CBS, ça a commencé à fusionner, je dirais 2004-2005. Ok. Donc c'est encore l'époque de Buffy. Ça a commencé, ouais, ça a commencé sur Warner et ça a fini sur CW. Ok. Donc, qui veut se lancer, c'était qui veut nous c'était parler C'était le début de longues soirées de souffrance. Vincent, il n'en a pas beaucoup parlé, vas-y. Ben, moi, Smallville, j'ai beaucoup aimé. J'ai commencé à regarder dès que c'est sorti. Mmh. Et j'ai trouvé ça un petit peu étrange comme pitch de départ, en fait, de nous faire suivre la jeunesse de Superman et de nous foutre, en fait, tous les ennemis qu'il va rencontrer plus tard, en fait, en tant que Superman. Mais j'ai pas grand-chose. Je me suis arrêté assez vite, en fait. Sur 10 saisons, j'ai dû voir les 4 premières, puisque, en fait, il se passait tellement de choses dans cette série. Quand tu en loupais, après, tu étais complètement perdu. Mais... ce qui m'a marqué, c'est que à travers ces 10 saisons, ils avaient créé une vraie Justice League, ils avaient créé un vrai univers en fait. Et les effets spéciaux étaient vraiment pas mal. Je trouve que ça n'a pas à rougir de ce qui est fait actuellement dans Supergirl. Ça dépend, ça dépend. Il y en a qui sont réussis, d'autres moins réussis. D'accord. Mais franchement, c'est regardable, moi je trouve. Enfin, au niveau des effets. Moi j'ai une image en tête, c'est le Hawkman qui s'envole avec ses ailes. C'est d'un kitsch, c'est d'un moche. Et petit point technique, c'est pas une Justice League, c'est une Justice Society. Parce qu'ils ont pas la Justice League encore. Alors il me semble que sur la fin de la série, ça se transforme en Justice League. Ah ouais? Et ils ont toujours un discount Batman, cela dit. Ouais. Parce que ça, c'était l'une des choses qui m'avait. Ils ont jamais introduit Bruce Wayne dedans, ils ont préféré mettre Arrow à la place. Et c'était l'un des trucs qui m'avait fait rager. En fait, Smallville. Pour vous donner une idée de ce que c'était Smallville et du moment où j'ai compris qu'en fait c'était typiquement une série qui en fait n'était pas faite pour moi qui aimais ce personnage à la base, c'est que j'étais dans le bus pour aller à l'école, il y avait des filles de genre 2 ans de moins que moi qui devaient être en 6ème grand max et qui parlaient de Smallville. Et à la manière dont elles en parlaient, je me suis rendu compte qu'en fait elles n'avaient pas compris ce qu'elles regardaient. Pour elles, le mec était beau et voilà, et j'aurais dit mais vous savez que c'est Superman ? Alors que la série a le logo de Superman à toutes les sauces, et elles m'ont répondu arrête d'être obsédé par tes bandes dessinées, tu commences à devenir fou. Et c'est là en fait que j'ai pigé, c'est que la série avait le même souci que Supernatural à mon sens, c'est-à-dire que ça partait sur un principe qui était on va te balancer plein de trucs que t'aimes avec des monstres et des dragons, et dans le cas de Supernatural c'était genre vampires et fantômes et machin, et au final c'était un peu trop soft, il n'y avait pas suffisamment de fantaisie dedans, ça pouvait être des cas de budget et ça pouvait aussi être des cas de on a un peu honte de te montrer tous les trucs qu'on a pris dans la BD parce que tous ces gars sont habillés en collant ou c'est des monstres qui viennent d'autres dimensions et trucs comme ça, et c'est quand même vachement débile. C'est un peu ça finalement qui m'a fait lâcher. Et comme disait Vincent, c'est 10 saisons où t'attends, on te dit c'est la jeunesse de Superman, ça devient l'adolescence de Superman, ça devient la vingtaine de Superman, puis Doomsday, la trentaine de Superman. Mais comment ils ont pu mettre le personnage qui tue Superman dans une série qui n'est pas nommée Superman, quoi. Ouais, mais pour répondre, déjà, je ne suis pas d'accord par rapport à Supernatural, ouais, je ne le comparais pas avec, parce que Supernatural, vraiment, c'est ils comprennent les codes de ce qu'ils utilisent et ils les détournent, ils font plein de choses, c'est pas comparable à Smallville. Je parlais juste au niveau esthétique en fait. Okay. Et c'est ce qui faisait qu'avec Supernatural j'avais du mal à m'y attacher, c'était que c'était pas assez en fait. Mm-hmm. Et j'avais déjà les personnages m'intéressaient pas énormément, mais ça c'était typiquement moi, tu vois, c'est pas qu'ils étaient mal faits nécessairement. Ouais. Mais du coup Supernatural j'avais du mal avec ça parce que je pouvais tout à fait allumer ma télé et mater ce Van Helsing à côté qui avait un vrai loup-garou dedans pour donner une idée un peu. C'était un peu le budget et c'était un mélange de budget et d'intention derrière parce qu'on le sent le côté. On pourrait le faire, mais on veut pas parce qu'on a peur en fait que les gens soient rebutés par le côté fantaisiste du truc, alors que c'est Superman. Et justement, ils ont joué avec le costume, le fait que t'attends le costume encore et encore. J'ai fini par regarder le dernier épisode de Smallville, j'avais lâché à la saison 3 peut-être. Et 10 saisons plus tard, je me ramène pour voir le dernier épisode. Et le costume, il apparaît tout à la fin dans un plan. On le voit pas, je crois. On le voit vite fait dans un plan. Dans un reflet. Le problème de Smallville, c'est que c'est sorti à une époque, me semble-t-il, où on recommençait un peu à parler de comics au cinéma. Il n'y avait pas eu. Superman et du Blade Ritter, et tout, qui était à l'époque de Blade, ouais, de X-Men. Ouais, il y a Blade et tout ça. Donc c'était un peu pour essayer de ramener ça à la télé, mais le problème c'est qu'ils partent du principe qu'ils veulent faire jeunesse de Superman, mais quand on regarde la série, il est limite déjà Superman, puisqu'il utilise ses pouvoirs, il a des ennemis comme vous l'avez dit, il a déjà une identité, puisque après il prend une autre identité. Il devient fantôme, il s'habille en noir. Voilà. Je m'arrachais les cheveux. Le gars était à Metropolis, journaliste, il est super-héros. Pourquoi vous C'est n'importe quoi. Mais le problème, c'est qu'il y avait ça. Et puis après, en même temps, ils essayaient de faire une série avec, sur l'adolescence, qui raconte des problèmes d'adolescence et de choses comme ça. Donc il y avait des fois des épisodes qui pouvaient être sympathiques. Mais ils avaient le cul entre 10 000 chaises. Après, ça partait sur du fantastique avec un personnage qui devenait une sorcière. Tu sais même pas pourquoi. Enfin, ça dure pas d'un coup. Le début de Smallville était cool. Le délire avec les météorites, je trouvais ça sympa. Les premières saisons sont assez. Quand ils sont en mode Freak of the Week avec le assez cool, mais quand ils partent dans des délires feuilletonnants avec machines qui deviennent sorcières, c'est what the fuck. Le seul souci que j'aurais avec les premières saisons, et qui en fait au final c'était drôle parce que justement ils essayaient tellement de faire un truc beau et propre. J'ai envie de dire pour les midinettes, parce que c'était vraiment cet aspect là, c'est genre tout le monde est beau et machin. Et le truc c'est que la structure de chaque épisode était la même, c'est-à-dire que Clark a un petit problème au début. Il y a un élève dans l'école qui va genre péter un câble là comme ça sans prévenir parce qu'il est entré en contact avec un truc bizarre. Et comme par hasard, il va devenir obsédé par Lana. Et Clark va devoir sauver Lana. Et Lana va tomber dans les pommes parce que, je sais pas, apparemment, avoir un personnage féminin qui fait un truc intelligent, c'est difficile. Bah, elle a peut-être des baisses de tension. Mais c'est systématique. Et à chaque fois, Clark arrive et il la sauve. Et ça finit avec la scène qui, à chaque fois, me faisait rire parce que c'était systématique aussi. C'est Lana qui se réveille et qui dit : j'aurais juré t'avoir vu faire des trucs bizarres, genre courir super vite. Oh non. Tu as oublié la petite conversation avec Lex Luthor. Ah oui, à chaque fois. Je sais que tu as des pouvoirs, mais non, je l'ai pas pouvoir. En plus, Clark fait peur. À chaque fois, il se ramène chez Lex en défonçant sa porte. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, espèce de connard? Pourquoi? Mais tu vois, c'est ça qui aurait pu être intéressant avec un Superman ado, c'est qu'on aurait pu examiner plus la facette. Genre, ce mec, il peut devenir dangereux, il peut être dangereux. Un peu comme les questions qu'on a dans Man of Steel. Un Superman humain. Et moi, ça m'aurait vachement intéressé. Justice League l'a très bien fait d'ailleurs. La deuxième saison de Justice League, le concept de. Qu'est-ce qui se passe si jamais ces gars-là qui ont tous les super pouvoirs de la Terre décident de devenir méchants et de prendre le contrôle? Et j'ai bien aimé l'épisode de Superman où il doit il est un peu jaloux de Shazam parce que Shazam est devenu un peu le champion de la ville et Lex Luthor qui est en pleine campagne présidentielle se sert justement du côté amical de Shazam pour son image. Et il y a une bombe qui est caché sous un parc pour les enfants et Superman voit la bombe et décide d'aller la détruire. Shazam se met sur son chemin, il se tape dessus, il détruise tous les bâtiments qui venaient juste d'être construits pour les pauvres par Lex Luthor. Et la bombe explose et en fait c'est des feux d'artifice et c'est tout un plan de Lex pour essayer d'avancer justement, de modifier l'opinion des gens par rapport au gars qui normalement est censé être le plus amical de tous. C'est vraiment un concept intéressant qui durait sur toute la saison et qui était super bien fait. C'est dans la série animée Justice League, c'est ça? Ouais. D'accord. Qui est vraiment excellente, on vous la conseille. D'ailleurs, un jour on fera une émission spéciale animation. C'est un truc que je voulais dire aussi, c'est qu'on parle des séries télé live, là, tout ce qui est série avec, comme j'allais dire, encore pour les midinettes. Mais le dire parce que justement, c'est un trait de caractère qu'on voit dans les années 90. C'est toutes ces séries qui vont s'adresser aux jeunes filles en fleurs qui sont en mal d'amour, mais ils oublient que tout le monde n'est pas comme ça, que tout le monde n'est pas intéressé par ça, et on va voir par la suite que ça va s'intensifier sur une certaine catégorie de série, donc on verra tout à l'heure. Le truc qui me gênait le plus en fait finalement, c'était je peux tout à fait accepter qu'on monte un peu le facteur girly de ces séries, ça me dérange pas, à condition que ça devienne pas stupide ou cucu ou chiant, parce que je pars du principe que toutes les amies filles que j'avais à l'époque qui regardaient ce genre de trucs, elles-mêmes commençaient à en avoir marre, c'était genre trop sucré, et elles finissaient par faire comme moi, c'est-à-dire au lieu de regarder ces séries-là, aller sur les séries animées, parce que là pour le coup, la fantasy on avait autant qu'on voulait, et malgré ça ils arrivaient quand même à faire des scénarios extrêmement intelligents qui allaient beaucoup plus loin que ce qu'on pouvait voir dans des séries avec des acteurs qui bizarrement avaient quand même le cachet adulte alors que c'était loin d'être justifié. Exactement. On prenait un peu le public de ces séries pour des débiles. Oui, James, allait partir sur l'autre partie. J'allais dire, fini vite fait sur cette période et puis après on va passer à la pause musicale. Justement, je voulais juste poser une dernière question et après comme ça on passera au sujet de maintenant. Est-ce que finalement, ce qui était intéressant ou ce qui apportait un renouveau, est-ce que c'était pas ces séries qui sont apparues dans les années 90 et un peu plus tard qui en fait s'inspiraient des comics, des codes des comics, mais qui n'étaient pas des adaptations. Donc je pensais à Mutant X, pardon, que j'avais beaucoup aimé, The Tick, qui était assez intéressant, je ne sais pas si vous connaissez, fait une parodie du super-héros, qui avait commencé en dessin animé, qui après est passé en série, c'était super drôle, et c'est d'ailleurs devenu un comics. Et bien sûr, la plus emblématique, je pense, qui est faite par tout le monde, c'est quand même la série Heroes, Buffy, ça c'est une super-héroïne aussi, mais si je l'avais dit, on aurait dit, oh, Faye, encore Whedon. Joss Whedon, il aimait bien comparer Buffy à Superman dans sens, et Angel à Batman, ouais, dans leur mécanique. Et effectivement, j'ai vu les deux séries, j'ai trouvé que ça correspondait plutôt bien. Après, moi, c'est marrant, c'est pas. Merde, Buffy, je la vois pas du tout comme en Superman. Spider-Man. Spider-Man aussi, ouais. Moi, c'est non, Spider-Man. Superman, pour le coup, c'est ce qu'il disait. Mais c'est-à-dire qu'elle est pas exactement comme Superman, mais c'était un peu la dynamique de. C'est le personnage un peu plus lumineux, on va dire. Et Angel, ouais, c'était le personnage beaucoup plus sombre. Parce que Buffy, elle a eu des trucs un peu chiants et difficiles à faire. Mais Angel, de la première saison, c'est des trucs à la genre réseau de prostitution, des trucs de ce style. C'était autre chose, quoi. Et puis il évolue dans une ambiance qui est vraiment plus sombre, parce qu'il est souvent, donc il est de nuit, parce que voilà, c'est un vampire. On a des thématiques plus sombres aussi, puis on a beaucoup de références à Batman dès le générique, dès le début même du pilote, où il est dans une ruelle avec des gens qui se font agresser. Ça rappelle Batman. Il est sur un toit, il regarde les trucs. Et il y a même Spike qui se fout de sa gueule quand il arrive, fait hey, regardez, je suis Batman, machin, je fais des trucs et tout. Il est trop excellent. C'est l'épisode 4 de la saison 1. Il y a un épisode de Angel à la fin quand Spike, on va pas spoiler, c'est pas du spoiler de Buffy, Spike meurt dans Buffy normalement. C'est pas du tout un spoiler. En même temps, ça fait un truc genre 10 ans et quelques, j'ai la prescription. Et après, il revient dans Angel et en fait, il revient en fantôme et il hante Angel pendant 2-3 épisodes et c'est les meilleurs épisodes de Angel de toute la série. Mais bon, là, on est pas. Mais c'est vrai que Buffy avait une écriture très comique. Ouais, oui. Voilà, elle avait tous les problèmes des super-héros, des choses comme ça. Avec Angel, Alex, pareil. Tout le temps des références à la pop culture et aux super-héros. C'est ça, c'est ça. Mais dans le genre adaptation, on va dire directe, de concept de super-héros, Heroes. J'ai beaucoup aimé la première saison, les autres beaucoup moins, parce qu'on sent vraiment, en fait ils ont vraiment, on va dire, analysé un peu, et on sentait vraiment cette idée du gars qui aime bien ça, et il a ses limites, parce que forcément il peut pas leur filer des costumes et tout ça, parce que ben, c'était l'époque et les gars voulaient pas, etc. Mais il a réussi à faire une histoire intéressante, des personnages sympathiques et tout, et à partir de la deuxième saison on sent que, autant la première saison il y avait une histoire avec un début, un milieu, une fin, à partir de la deuxième c'est genre, ah non, on fait quoi, et c'était le bordel. Et encore la troisième il avait réussi à rattraper, mais la quatrième c'était horrible. On va peut-être faire la pause musicale, comme on parle de Heroes. Bon, on repart sur Heroes après. Ah oui. Alors la pause musicale, attention. Attends, on a mieux. On a quelque chose que vous avez sûrement oublié, et on va vous passer la chanson, et on en parlera après. Pas menti parce que j'assume pas du tout cette chanson. Vous êtes toujours sur Comics Discovery, l'émission qui vous parle pas de comics pour une fois, mais de séries télé. Dis-moi et ce que c'était. Vous venez d'entendre le générique français de Heroes. Ah, c'est bien ce que je me disais. C'était. Ah. Tout le monde avait oublié ce truc. Et oui, il y avait tu comme Prison Break. Il y avait un petit. Il y avait un petit générique dans la version française. On ne sait pas pourquoi. Moi, je sais. C'était pour concurrencer justement parce que le générique de Prison Break s'était fait plein de pognon avec. C'était numéro 1 et tout. Ouais. Donc TF1 ils ont dit oh ben on va faire pareil Dédé. Mais je ne sais pas si ça a autant marché. Un truc que tu m'as dit. Si c'est vrai, c'est ouf. Oui, c'est vrai. C'est qu'ils ont passé dans Prison Break. Ils ont passé le générique français vraiment dans un épisode. Oui, je crois que c'était dans la saison 3. Je sais plus. C'est une scène dans un bar quand t'as le frère de Michael. Il va voir une fille brune qui est une poufiasse pour arranger un plan pour faire sortir son frère de Toll. Peut-être que dans la suite qui va bientôt débarquer, il y aura encore le générique de Faflarage. Il y aura un remix. Un remix de Faflarage. Parce que le créateur de la série était content de cette musique. Oui, hein. Voilà, ils avaient trop kiffé. C'est très possible qu'il l'ait diffusé. Là on n'est pas dans Prison Break. On va enchaîner parce Prison Break, moi j'ai n'importe quoi. Donc on était en train de finir de parler donc de Heroes. Justement, on avait dit que la première saison était une réussite parce qu'effectivement elle reprenait bien les codes des comics avec une histoire super intéressante qui avait aussi un côté science-fiction et tout. En gros, il allait se passer quelque chose et différents personnages qui découvraient leurs pouvoirs se retrouvaient un peu liés. En fait, pour ceux qui connaissent pas Heroes, la structure du truc, ça peut faire penser un peu à Sense8, c'est-à-dire des personnes un peu dispatchées un peu partout qui vont avoir un lien et se retrouver. Et par contre, après, la série est partie en cacahuète. Elle est partie en cata. Voilà, parce qu'elle avait un nombre de saisons, je pense, qui devait être limité, quoi. Et puis le problème aussi, c'est qu'à l'époque, le showrunner, je ne sais pas si vous en rappelez, le mec, il avait une tête comme ça, c'est-à-dire qu'il disait ah, mais moi, je suis trop fort et tout. Franchement, Lost, c'est de la merde à côté de moi. Il était en concurrence directe avec Lost et il s'est défoncé parce que niveau audience, Lost, Lost était déjà mieux. C'était Lost. Soyons clairs, Lost, la meilleure série télé de tous les temps. Mais il critiquait comme quoi, oui, moi je sais où je vais, je sais que j'ai écrit tout depuis le début, nanana, alors que ça se sentait tellement. Alors que ça se sentait que le mec il avait fait une saison, point quoi. Fin. Il a menti. Totalement. Et après ça a débarqué en comics parce qu'il a fait des comics Mais disons Heroes. En quoi c'était intéressant, c'est que déjà c'était traité sérieusement avec une histoire qui utilisait donc tout ce qu'on aime chez les super-héros mais de façon intéressante et qui était donc au service de son histoire, qui était pas là juste pour faire un gag ou juste pour divertir à coups de grosses bastons et de choses comme ça. Il y avait quelque chose derrière. Oui, James. C'était une série chorale qui était plutôt bien, enfin la première saison plutôt bien gérée, les personnages étaient assez attachants. Même Aiden Panettiere qui maintenant me file des boutons, j'aimais bien le personnage, je trouvais qu'elle... Bah, tous les personnages étaient quand même intéressants, ils avaient tous un rôle. Il y avait une utilisation des codes du comics dans l'esthétique de la série, avec les titres qui apparaissaient, qui étaient intégrés aux scènes. Ouais. Les cases aussi, je me rappelle. Ouais, exactement, la police d'écriture, rien que les titres faisaient penser à des titres de comics. Ouais. Enfin, plein de choses. Mais il n'y avait pas un mec qui faisait les comics qui Non, il y avait un mec qui dessinait. Non, il n'y avait pas à la production Loeb, là, Joseph Loeb, celui qui... Ah, Jeff Loeb, oui, il y avait peut-être Jeff Loeb. Il me semble qu'il était à la production. Pas dire de conneries. Donc voilà. Après, donc, on finit juste cette partie, donc on a cité l'exemple de Mutant X aussi, qui était très drôle, qui était une production Marvel. Donc c'est une production Marvel, mais comme ils n'avaient pas les droits d'utiliser X-Men parce que X-Men appartenait à la Fox, et bien donc ils avaient fait un sous X-Men mais en changeant, ils avaient appelé ça Mutant X. Et dedans on retrouvait le gars qui jouait Lex Luthor dans la série Lois et Clark, qui faisait ici une espèce de professeur Xavier, et on avait des personnages avec des pouvoirs et tout. Et pareil, ils n'avaient pas de budget, c'était drôle, mais c'était quand même sympathique à regarder. Et ils se sont pris un procès de la Fox, donc du coup ils n'ont pas eu le droit d'exploiter, de jouer, de produits dérivés autour, et c'est parti en caca à cause de ça. Et je trouve ça assez dans les séries de l'époque qui sont très marquées comics mais qui sont pas du comics. Fane n'est pas d'accord avec moi, mais je trouve que Dark Angel, donc la série de James Cameron avec comment elle s'appelle, Jessica Alba, avec Jessica Alba, où on retrouvait quelqu'un de Supernatural d'ailleurs, puisqu'il y avait c'était Jason Ackles. Donc Fane l'a fait, bon non on va pas le dire, c'est private joke. Moi je sais pas si vous l'avez vu, mais ça me fait vachement penser à du comics. T'as pas vu Dark Angel? Bah, explique un peu vite fait. Dark Angel, c'est il y a tout un... C'est dans le futur, un espèce de futur un peu post-apo, et il y a un groupe de personnes qui ont des pouvoirs, dont cette personne, qui elle a un code-barre derrière le cou. Et en fait, elle va retrouver... Mais il y a un petit côté comme... Elle est un peu vigilante, un peu... C'est une voleuse, elle fait à moitié Catwoman, moitié... Ouais, elle me fait penser un peu à la... Merde, à la rouge, la merde. Comment ça s'appelle? Dans Avengers. Scarlett Johansson. Scarlett Johansson, un peu, ouais. La veuve noire. Ouais, la veuve noire, ouais, je trouve que le concept de l'histoire, ça me fait penser un peu à ça. Et en fait, elle a subi des modifications génétiques, et il y a tout un groupe avec elle qui a subi des modifications génétiques, ouais. Et elle va les retrouver, et il va lui arriver des trucs. Et c'est une série qui est assez cool. Et, ouais, qui est assez culto, si on peut. On sent bien la patte James Cameron. James Cameron, il est derrière la production, et ça se sent beaucoup. Mais c'est à voir, ça, ouais, aussi. Regardez, c'est pas mal. Mais du coup, juste avant qu'on aborde la partie que vous attendez avec impatience dans les séries de maintenant, juste pouvez-vous me faire rapidement une dernière impression sur les années 90, qu'est-ce que vous en retenez, enfin 90, début 2000 on va dire. Est-ce que vous retenez des comics en série télé dans cette période-là, que ce soit au niveau des adaptations ou au niveau des inspirations, des hommages? Bien essayé, mais c'est pas encore tout à fait ça pour moi. Ok, et toi? Bah, un peu pareil, Smallville, je trouvais ça sympa au début, j'ai vite décroché. Birds of Prey, j'ai pas regardé à ce moment-là. Dans les Heroes, je me la suis faite récemment, donc non, mon seul point de référence, c'est Smallville. Et... Ok, ouais, et c'est pas ça. Ouais. Ok, bah moi, ça serait Essaye encore, si je veux. Ouais, c'est un peu la même chose. Hein. Hein, on est d'accord, ouais. Et alors, du coup, on arrive maintenant. Alors, maintenant, bah, on a pas mal d'offres quand même, là, avec le cinéma qui est revenu à la mode, qui a mis le super-héros trop en forme. On a pas mal d'offres au niveau des séries de super-héros. Ouais. On a aussi des diversifications, puisqu'on a des comics qui ne sont pas des comics de super-héros, qui sont adaptés en série télé, avec normalement, avec Walking Dead, qui a quand même été salué par la critique, ce qui est quand même intéressant, étant donné que sur les autres séries de super-héros, on n'avait pas eu ça avant. Ouais. C'est quand même pas mal. Il y a mal. Plein de comics indés hein, qui passent bah, Preacher. Voilà, on a Preacher, on a Outcast. Il y a. On a bon, c'est, pas, Carter, c'est pas du comics, mais c'est très très comics. American God qui va débarquer dans quelques temps. Donc enfin, on a beaucoup d'offres et tout, mais est-ce que la qualité est là? Donc j'ai envie de vous demander, messieurs, qu'est-ce que vous pensez de tout ça avant qu'on aborde enfin le problème, la raison de cette émission Iron Fist? On n'aura pas beaucoup de temps pour Iron Mais Fist. Mais vite fait, et on fait Iron Fist. Alors en fait, en grande majorité, je dirais que je suis devenu extrêmement sélectif parce que, comme tu as dit, il y en a beaucoup maintenant. Et généralement, je me base sur le concept de base. Et en admettant que ce soit quelque chose avec un potentiel, on va dire, fantastique, fort, est-ce que ça respecte ça? Et un truc comme Lucifer, par exemple, qui est devenu une série de procédurale, voilà, ouais. Ça m'intéresse absolument pas. Walking Dead, ça restait relativement proche du concept de base, je trouvais ça sympathique. J'adorais la première saison, j'ai lâché assez vite après ça. Ouais. Et après, pour tout ce qui est super-héros, je regarde les Netflix et les CW pour des raisons totalement différentes. Et dans les deux cas, en général, je suis plutôt satisfait. Sachant que le CW, c'est assez débile à certains moments, mais même là, je rigole, donc... Ouais, tu le vois avec un second degré, en fait. Voilà, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que Arrow me plaisait pas particulièrement. C'était trop sérieux par rapport au sujet. Trop premier degré. Ouais, et par rapport au niveau de budget qu'ils avaient aussi. Et donc, j'ai pas accroché. Par contre, quand Flash est arrivé, là, pour le coup, ils se relâchaient un petit peu plus. Mmh. La première saison, le scénario est très sympa. Après, ça part un peu en live. Mais il y a vraiment ce côté un peu plus fun que j'aime bien. Okay. Mais même là, j'ai lâché Flash aujourd'hui, donc bon. Bon, t'inquiète, je suis dans ton cas. Ouais, il y en a tellement aujourd'hui que c'est y a un petit peu à boire et à manger. Moi, je me concentre surtout sur les séries de la CW et de Netflix. Principalement, donc, les séries du Arrowverse pour ce qui est de la CW, mais ça m'empêche pas de me faire des trucs un peu plus indés comme iZombie ou Riverdale. Ouais, c'était bien, ouais. Mais bon, voilà, Riverdale, c'est pas terrible. iZombie, c'est plutôt sympa. C'est un peu répétitif, moi, je trouve. Oui, c'est ça qui m'a fait Riverdale lâcher. Ou iZombie. Non, Riverdale, c'est pourri. Hein. C'est répétitif dans le pourri, en fait. Oui. J'ai vu que la première saison pour l'instant. Mais non, après, moi, ce qui m'intéresse, c'est ces univers partagés. Du coup, je suis intéressé par ce que fait la CW, qui a un univers partagé qui est, je trouve, plutôt cohérent par rapport à ce que fait le MCU. Et c'est notamment dû au fait que c'est Greg Berlanti et au travail sur chacune des séries qui la composent. Après, même si en termes d'univers c'est plutôt cohérent, les séries ne se valent pas toutes, et surtout chaque saison les saisons ne se valent pas toutes. Et là on arrive à un point où c'est un peu l'overdose. Il y a actuellement 4 séries qui composent Arrowverse, et il y en a une 5e qui va arriver avec Black Lightning. Tout à fait. Tu loupes une semaine de série de la CW, t'as 5 épisodes à voir, t'en loupes 2 semaines, t'en as 10. Moi, c'est pas obligé de tout regarder. Hein. Ouais, mais moi ce qui m'intéresse, c'est l'univers partagé, c'est de voir comment ça fonctionne, et du coup je suis obligé de. Lise des comics, ce sera mieux. Tu veux donner ton avis? Moi, je suis les séries Netflix. Pour vite fait sur le CW-verse, j'ai tenu 3 saisons de Arrow. Où j'en pouvais vraiment. Tu as tenu 2 saisons de Arrow. 2 saisons, j'ai tenu 2 saisons de Arrow. J'en pouvais vraiment plus. Je trouve que c'est mal écrit, c'est mal joué. J'ai regardé la première saison de Flash et le final m'a fait bon, je regarderai plus jamais cette série. C'est vraiment trop mal écrit et trop mal joué pour moi. Et c'est Je suis méchant avec Siri, mais je suis pas la cible en fait. On n'est pas la cible. Enfin, moi je regarde Johnny, mais tous les deux, on n'est pas du tout la cible de. Mais même moi, je pense pas être la cible. Je comprends pas qu'ils ciblent pour. Enfin, c'est peut-être machiste de dire ça, mais tout le CW-verse, c'est des séries pour filles au final. Pourquoi même Arrow le problème, c'est pas ça. C'est que le problème, c'est qu'il y a une catégorie de gens qui regardent des séries pour ce qu'on appelle le ship. Donc c'est vrai qu'ils sont à fond sur les histoires d'amour. Et le problème, c'est que c'est ces gens-là qui s'expriment le plus sur les réseaux sociaux et qui sont le plus agressifs. Donc forcément, les gens qui sont aux manettes des productions, mais c'est ces gens-là qu'ils entendent. Et du coup, ils mettent plus l'accent sur ça. Tu prends Arrow, moi au début, j'aimais bien parce qu'il y avait une certaine violence, un côté un peu plus sombre. Et je me disais, ah, ça change un peu et tout. Enfin, l'histoire, c'était sympa. Mais quand ils ont commencé à centrer ça sur l'histoire d'amour Felicity Oliver, j'ai dit non parce que le personnage est insupportable. C'est caca nerveux sur caca nerveux et moi j'ai pas envie de voir ça. Moi je suis une très très grande consommatrice de séries télé et ce que j'aime c'est les séries qui sont bien écrites avec des personnages intéressants et des ressorts scénaristiques, c'est-à-dire que c'est quand on aime bien faire des théories, qu'on puisse prendre des indices, que ça soit logique et qu'on puisse trouver facilement les choses, enfin que ça soit cohérent. Et les problèmes de ces séries comme les séries de CW pour moi c'est que ça manque de cohérence, ce n'est pas logique et on a souvent des choses un peu débiles. Donc je suis pas trop public de ça. Après, je suis les séries Netflix parce que justement, je trouve qu'il y a un traitement différent. Ouais, c'est plus adulte. Mais c'est plus adulte. Après, j'ai un peu lâché les séries ABC pour les mêmes raisons que CW. Et juste là, donc, on va pouvoir partir sur. Oui, j'aime bien Walking Dead, même si c'est un peu chiant en ce moment. Fin de parenthèse. Donc voilà. Puis bon, Preacher et compagnie, je regarde aussi, mais c'est vrai que c'est pas ce que je préfère. Pour finir, donc voilà, les séries Netflix offrent des choses intéressantes et on a eu des écritures au niveau des personnages et des scènes d'action, enfin, et autres, qui apportaient un plus et qui apportaient une vision plus sérieuse du genre super-héroïque. Mais Iron Fist est sorti et nous allons en parler de suite. C'est la déception. On va laisser notre invité, on parle en premier. Sur Iron Fist donc les séries Marvel Netflix c'est déception sur déception. J'avais beaucoup aimé la première saison de Daredevil, Jessica Jones m'avait un peu déçu, la saison 2 de Daredevil un petit peu aussi, Luke Cage, c'est génial. Non, ce n'est pas crédible une seconde. Luke Cage, c'est pas fait pour. C'est ridicule. Et Iron Fist là, moi je me suis vraiment emmerdé pendant tous les 13 épisodes. Il y a qu'une scène qui m'a marqué dans ces 13 épisodes. Tu l'as vu en entier ? Ouais, je viens de jouer chez ce week-end pour l'émission. Je suis désolé pour ça. On n'arrive pas, nous, c'est affreux. Quoi. Ouais, on est à 4 ou 5 épisodes. Ne vous forcez pas, ça vaut pas la peine. Et le pire, c'est qu'elle souffre, cette série souffre de défauts qui sont même pas des. Genre, c'est cohérent avec ce que raconte l'histoire, mais par exemple, le personnage de Danny Rand, je ne le supporte pas. Et pourtant, son caractère est cohérent avec l'histoire du personnage dans la série. Moi, ce qui m'a énervé tout de suite, c'est que ce personnage arrive à New York et il prétend qu'il est quelqu'un qui est mort il y a des années. Et il fait pas de test ADN, il trouve pas un moyen de prouver aux gens qui il est. Il croit que les gens vont le croire sur parole. Mais tu me reconnais pas, mais c'est moi. Mais j'ai une petite anecdote, je suis allé chez le bar la semaine dernière et mon barbier m'a dit mais pourquoi il va pas déterrer ses grands-parents. C'est vrai, j'y avais pas pensé en fait, pourquoi il va pas déterrer ses grands-parents. Les experts ils auraient fait ça, voilà, et en deux secondes c'était fait. Mais c'est parce que il réfléchit pas, enfin c'est un gamin dans sa tête, physiquement c'est un adulte, mais en fait c'est resté le gamin qu'il était quand il s'est crashé avec son avion quoi. C'est cohérent dans l'histoire, mais enfin c'est quand même hyper chiant à suivre quoi. Mais ça n'avance pas dans l'intrigue, enfin je sais pas ce que tu penses au niveau de l'intrigue en général, son évolution. Alors toi tu me lances sur Iron Fist. Alors en fait j'ai lu les BD du coup et l'histoire de base d'Iron Fist est extrêmement simple. C'est un gars qui voit l'associé de son père tuer son père devant lui dans la montagne, sa mère est bouffée par les loups, il est recueilli par des moines et il doit se taffer comme un taré pendant des années face à tous les gens qui sont originaires de la ville où il est. Et il doit taffer comme un taré pendant des années pour devenir plus fort parce qu'il veut se venger de ce gars qui a tué son père. Il arrive jusqu'à la ville, il trouve le mec. Le problème, c'est que le mec, depuis, il a perdu ses jambes, il est devenu une loque pas possible. Il est à la tête d'une grosse compagnie, mais sa vie est nulle. Et là, il comprend que la vengeance finalement le mènera à rien. L'histoire est simple, efficace, et dans la série, ils ont réussi à mettre plein de choses qui n'ont rien à voir. Ouais. Le personnage principal passe 12 épisodes, on va dire 11 épisodes, sans réelle motivation. Les gens même lui demandent pourquoi t'es là, qu'est-ce que tu fais. Il est pas capable de répondre. Il est insupportable parce que l'acteur a été mal choisi. Et bon, il y a toute la controversie de mais il aurait dû être asiatique, machin, et c'est l'élément qui me gêne le plus. L'acteur, peu importe sa couleur, il aurait été absolument nul parce qu'ils lui ont filé du mauvais matériau. L'acteur qu'ils ont choisi n'est pas bon pour jouer ce type de personnage, et les scènes de combat, il les a appris 15 minutes avant de les jouer, donc forcément c'est nul. Et le gros problème en fait, et là où justement ils auraient dû mettre de la vraie diversité, c'était pas sur l'acteur principal comme les gens ont l'air de se fixer, c'est sur le showrunner, celui qui gère toute la série, parce que là pour le coup, la force de Luke Cage, c'était la blaxploitation, et prendre un mec qui a vécu à Harlem, qui connaît Harlem, qui était ami avec Biggie Smalls, qui est l'un des plus grands rappeurs de sa génération, et là pour le coup ils ont pris un mec lambda qui avait strictement rien à voir avec le mystique ou les arts martiaux. Ils lui ont demandé de faire une série sur ce qui est essentiellement une lettre d'amour au film de Bruce Lee et d'autres films des années 70 d'arts martiaux, et le gars n'y connaît rien. Et donc ils auraient dû prendre un gars peut-être asiatique ou peut-être pas, mais l'essentiel c'est que le mec qui gère la série aurait dû savoir connaître cet univers là et il aurait surtout dû avoir plus de temps, parce que cette série c'était un peu genre Daredevil, il y avait un lien, c'était l'aveugle qui aide les gens qui n'ont pas d'aide pour survivre. Jessica Jones, c'était la femme avec tout le concept de survivre après avoir subi un traumatisme. Et Luke Cage, c'était une lettre d'amour à la blaxploitation. Et lui, c'est un peu genre la série qu'on met à la fin parce qu'il en faut une, et c'est genre vas-y, débrouille-toi avec. Mais en fait, ça aurait pu être un truc à la Kill Bill un peu. Il aurait fallu quelqu'un comme Tarantino, justement, qui lui a digéré tout ce type de film-là, qui était par exemple un très grand fan de la 36e chambre de Shaolin, dont je t'avais parlé. Et ça aurait été bien de retrouver ça dans la mise en scène. Et il y a des gens de télévision, comme j'avais cité l'exemple de Jack Bender, qui est un gars qui a fait beaucoup de shows et tout ça, et qui a travaillé notamment sur Alias. Tu vois les scènes de baston d'Alias, c'est hyper bien filmé, c'est propre, c'est rapide, c'est puissant, et voilà, on sent. Et ils auraient très bien pu prendre quelqu'un comme ça qui a l'habitude de filmer des scènes d'action pour justement arranger un peu ce bordel. Là, comme je disais à James, les scènes d'action dans Iron Fist, c'est comme un film de Steven Seagal maintenant. À savoir que Steven Seagal maintenant ne peut plus lever la jambe, donc voyez le niveau. C'est ça, hein. Oui, non, mais ça fait. Enfin, je suis complètement de l'avis de Johnny et de Faye. Ils ont pris quelqu'un qui connaissait pas les codes de cette culture. Et puis, il n'y a pas de direction d'acteur. Déjà, l'acteur de base ne correspond pas au rôle, comme tu l'as dit. Mais on sent qu'il ne sait pas ce qu'il fait. On lui dit pas, fais ci, fais ça. Il y a zéro direction d'acteur. Et il aurait fallu prendre plus de temps sur la production. Prendre quelqu'un déjà qui avait des bases, ou au moins qui a un entraînement d'arts martiaux qui soit plus conséquent. Il connaît quelque chose de bien. Il ne le montre pas. Et en fait, c'est l'un des trucs qui me gêne le plus, c'est que le script lui-même est mauvais. C'est-à-dire qu'ils font un personnage qui a grandi dans une ville mystique avec des moines qui lui ont appris les arts martiaux, et on ne voit pas ça. On voit la ville, on la voit pas. On voit une espèce de cellule qui ressemble à une cellule de l'île de Gorée, et pour y être allé, je peux vous dire que c'est typiquement pas un endroit où vous voulez aller. Et en dehors de ça, on voit trois moines qui lui tapent dessus avec des bâtons, mais il n'y a pas de scène d'entraînement. On voit pas sa vie en fait chez les moines. Et du coup, forcément, quand le mec arrive à New York et vous dit j'ai passé 15 ans à apprendre les arts martiaux, étant donné qu'on ne le voit pas, on voit pas sa lutte, on se dit, on dirait un gars qui allait, on dirait un hippie qui allait au Club Med en Chine et il est revenu en disant voilà, qu'il a lu dans un bouquin. Et quoi, du coup, il y a des scènes où il apprend à Colin Wing, qui est un personnage, c'est une femme asiatique dans la série qui fait des arts martiaux aussi. Il lui apprend comment faire certains mouvements. Et normalement, cette scène devrait être tout à fait crédible, même s'il est blanc, ça devrait être extrêmement crédible, parce que lui, pour le coup, il a vécu avec des moines, il a des super pouvoirs et tout. Il a le background, normalement, le personnage. Le problème, c'est qu'étant donné qu'on ne le montre pas, on n'a pas, en tant que spectateur, cette notion qu'il a. Il nous le dit, mais lui-même, il est joué par un gars qui nous fait plus ou moins comprendre que, genre, il a appris ça avec de la ganja dans le sang, et c'est le script est écrit avec une espèce de notion du genre il faut qu'on fasse ça vite parce qu'on a Defenders qui sort bientôt et il faut qu'on fasse ça en dépensant le moins d'argent possible parce qu'on peut pas montrer des vrais moines, on peut pas montrer une vraie ville mystique, et du coup forcément la série perd de son poids, du poids qu'elle aurait dû avoir, parce que il n'y a pas les éléments visuels et narratifs derrière. Mais c'est super caricatural dans la construction de ces personnages. Tu vois 2-3 épisodes, tu sais déjà ce qui va arriver par la suite. Et c'est pas intéressant. Et du coup, ça m'a fait poser la question, est-ce que finalement c'est traité justement les adaptations de comics, ou est-ce que c'est vraiment on se dit on fait ça vite fait, de toute façon les fans là, ils sont contents, ils ont leur truc et puis on s'en fout quoi. Ça dépend, parce que tu regardes Luke Cage ou tu regardes Daredevil, c'était bien traité, c'était des gens qui étaient passionnés par ce qu'ils faisaient et qui montrait des trucs cool. Enfin, quand tu regardes la première saison de Daredevil, ça nous a tous mis une claque de ouf. À quel point c'était génial et à quel point ça nous a. Mais du coup, James, tu soulèves un point intéressant. C'est au final, est-ce que pour que une série comics qu'elle soit adaptation ou pas, pour qu'elle soit réussie, ça veut dire qu'il faut forcément qu'elle soit faite par des gens comme nous, des passionnés. Ah, pas nécessairement. Ça, Luke Cage, par exemple, le gars qui l'a faite, n'est pas nécessairement un gros lecteur de comics, mais il connaît le personnage, il connaît surtout l'univers dans lequel le personnage est. Et pareil, les meilleurs auteurs de comics qui existent ne sont pas nécessairement des gros lecteurs de comics, ce sont des gens qui ont un intérêt autour et qui apportent quelque chose de nouveau et qui ont une vision derrière. Et en fait, on devrait suivre la même logique que pour les comics. Quand on lit un comics parce qu'il est bon, on le lit pas parce que le mec qui l'a fait est un gros geek qui aime ses personnages, on le fait parce qu'il apporte quelque chose de nouveau derrière. Et c'est ça qui fait que le comics ensuite ressort en disant ce comics-là est meilleur que tous les autres. Et c'est la même logique pour les séries. Cette série-là est meilleure qu'une autre parce qu'il y a un truc de plus par rapport à toutes les autres qui se contentent juste d'adapter en disant il a un costume coloré, on va juste lui faire ça et lui filer une midinette à embrasser et ça suffira. Donc toi, tu penses que maintenant les séries comics sont traitées comme n'importe quelle série avec le même type de préparation? De plus en plus, mais je dirais pas encore assez. Netflix est la seule où j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment le cas. CW, c'est vraiment, comme l'a dit James, c'est fait un peu en mode disposable. C'est, tu regardes ça et puis tu passes à autre chose. Bon, je vais vous couper parce qu'on est, oui, il est 19h, on n'a plus le temps. Dernier petit tour de table. On finit. Non, mais je dis juste, on s'en fiche. Non, mais juste pour conclure, du coup, ce que je faisais là. Bon, vas-y, pour conclure, toi, du coup, tu dirais qu'il y a eu une évolution, qu'il y a eu un traitement normal du comics dans le monde des séries, ou tu penses que ce n'est pas traité à sa juste valeur? Plus intéressant, ça, le jeu. Désolé. Je pense que ça dépend des séries, mais je pense qu'il y a quand même une sacrée évolution depuis les séries dont on a commencé à parler au début. Là, clairement, c'est plus pris au sérieux. Un Daredevil, comme on a eu en 2015, ça ne ressemble absolument pas à la série de Captain America de 44. Il me semble. Oui, 44. Ouais. Voilà, tu compares Daredevil, tu compares Arrow, c'est clairement pas la même chose. Il y a une série qui se prend au sérieux et qui essaye de faire un truc plutôt réaliste, et un truc qui est carrément concon, divertissant, mais concon. Ça dépend. Ils font des séries de super-héros pour plaire à un plus large public, enfin le plus large public possible, et chacun peut y trouver son compte, je pense, mais difficile de dire vraiment la tendance que ça prend, parce que je trouve qu'il y en a tellement. Et en fait, ça dépend des maisons, tu vois. Netflix, ça, c'est des trucs plus crédibles, plus réalistes, et qui se prennent plus au sérieux, que je trouve que c'est pas toujours très réussi. Et CW, ça se prend moins au sérieux, c'est plus divertissant, mais bon. Ouais. D'accord. Au final, pour conclure, on peut dire que peut-être l'offre série est peut-être plus intéressante et diversifiée que l'offre cinéma. Ah, ça c'est. On va arrêter sur ça. Oui. On en parlera une prochaine fois. Juste après nous, il y a Sport & Chill avec Kevin qui est derrière et qui doit attendre de pouvoir lancer son émission. Pardon, désolé. C'est de la faute de Faye. Je tenais à le dire. Oui, c'est vrai. Je me désolidarise complètement. On fera une partie 2. Je vous rappelle que vous pouvez nous réécouter le vendredi. C'est ma faute. On dit que c'est ma faute. J'assume. Donc vous pouvez nous réécouter vendredi après la matinale. Et comme on parle matinale, tu veux peut-être redonner ton petit. Tu parles demain de. De The Undead. Qu'est-ce que c'est que ce binge dans la matinale de Radio Campus. Ok. Donc tous les mardis, tu parles de série avec Jessica en principe. Voilà. Puis moi j'invite les gens à donner leur avis sur le sujet de l'émission. Ouais. Et n'hésitez pas, si vous nous écoutez sur iTunes ou sur PodCloud ou sur autre chose, à nous mettre 5 étoiles. Et à nous mettre un petit commentaire, ça nous fera plaisir. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter partout, et sur le site comicsdiscovery.fr. Allez, on vous laisse avec Save Me, qui est générique de la meilleure chose de Smallville, oui. Le générique par Rémi Zéro. Voilà.